18-32. Activation orale, pronom, objet, indirect. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? Oh. C'est votre banc? Ben vous dites. Non, il ne nous appartient pas. 2. C'est le banc de Mireille? Non, il ne lui appartient pas. 3. C'est le banc de Robert? Mais non, il ne lui appartient pas. 4. C'est ton bateau? Non, il ne m'appartient pas. 5. C'est mon banc. Mais non, il ne t'appartient pas. 6. C'est notre banc. Pas du tout. Il ne vous appartient pas.